Le dégageage, ce mot n'existe pas, mais si tu veux, quand on a plein le cul, t'en invente. Des racailles, soit bah, qui n'ont pas leur carte d'identité française ou qui sont d'origine immigrée, en fait, le dégageage de leur face quand ils commettent des crimes absolus et atroces.